En bas de soie, je veux te voir. Vêtu d'un simple gant d'ivoire. En fille d'un soir nu dans un bar. Cet inconnu qui te fait boire. En bas de soie, je te veux noir. Vêtu d'un rien que je peux voir. Pour le revoir, le recevoir, tu devras t'habiller d'ivoire. En bas de soie, je te veux noir. En bas résille ma banderille. Je serai là, tu peux me voir. Je voudrais garder cette histoire et soulever la robe noire pour me laisser l'apercevoir. Tu dois y croire au fond du soir, te regarder. Dans le noir, en bas de soie, je veux te voir. Vêtu d'un simple gant d'ivoire. En fille d'un soir nu dans un bar. Cet inconnu qui te fait boire. En bas de soie, je te veux noir, vêtu d'un rien que je peux voir. Pour le revoir, le recevoir, tu devras t'habiller d'ivoire. En bas de soie, je te veux noir. En bas résille ma banderille. Je serai là, tu peux me voir. Je voudrais garder cette histoire et soulever la robe noire pour me laisser l'apercevoir. Tu dois y croire. Au fond du soir, te regarder.